souvent je ferme les yeux, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec des paupières closes. Quand je les ferme, je sens léviter mes rêves. Je ne les rouvrirai que pour qu'un jour la vérité me les crève. Je cherche un accès et maudit ceux qui nous empêchent de voir, de regarder en face cette réalité telle qu'elle. J'attrape le profil de la bête de foire, celle qu'on applaudit et qu'on moque du seul fait d'être restée elle-même. Mise en cage pour quelques malchances, mais s'il te plaît range ta pitié entre quatre planches. Fermer l'œil n'est pas se rendre, il ne s'agit pas d'avancer sur un champ de mine. Une paire de lunettes noires, un labrador et une fine canne blanche. Si je m'absente, c'est pour mieux comprendre ma présence. Arrêtez de me plaindre et faire confiance à ce que je pressens. Demain sera un autre jour, aujourd'hui est une chance. Y'a pas de coïncidence si on appelle ça le présent. Laisse, ça paraît clair que je connais pas le nombre d'années qu'il me reste à vivre sur cette terre. Je ne sais même pas où je compte aller, mais je vais pas me laisser condamner. Si la vie me frappe moi, je veux pouvoir l'encaisser en faisant la tronche à Gilbert Montagnier. Recule, ne joue pas trop près. Est-ce que j'ai l'air d'hésiter quand je te dis que je pense à recoudre mes paupières? Hein? Est-ce que j'ai l'air de... Bref. Ce soir je ferme les yeux, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec des paupières closes. Quand je les ferme, je sens léviter mes rêves. Je ne les rouvrirai que pour qu'un jour la vérité me les crève. Je les ferme, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec des paupières closes. Je ne compte pas me soumettre qu'aux chiffres. Leur fermer consciemment les yeux, c'est la meilleure manière de les garder le plus ouvert moi possible. Moi j'ai appris à me taire où les quatre en fières causes. À écrire à cœur ouvert avec les paupières closes. Les jeux d'arcade, les vaisseaux sanguins et les pommettes mauves. Trop de gosses paumés, j'attends pas que ce monde mauvais me sauve. Les mots s'exposent en guise d'un deuil de gestes si pauvres. Je retourne aux pyramides afin de crever l'œil du cyclope. Ça reste hip-hop. Ce que je vis est sa réciproque. Je regarde au-delà de l'horizon quand le mouvement me paraît myope. Quand les images crament les rétines et arrachent les globes oculaires. Trop de corps populaires et trop de propos polulaires. Je perdrai pas ma vie assis le cul posé entre deux mondes. Les guerriers de la lumière n'ont pas le temps de se faire de l'ombre. Le peuple s'hypnotise à force de balancer de gauche à droite. Moi je garde la même optique, je me fous de me fourrer dans vos annales. Je vais pas passer du coq à l'âne ni t'écraser quand faut de la maille. C'est pas en trafiquant des batteries qu'on arrive en haut de la gamme. J'observe le néant depuis que je sais que nier de voir me tuera. On me reconnaît entre des milliers de voix au Toxila et Furax. La sagesse est un art que je développe armé du mic. Arapé les yeux fermés comme si je vivais face à Médusa. J'observe le néant depuis que je sais que nier de voir me tuera. On me reconnaît entre des milliers de voix au Toxila et Furax. La sagesse est un art que je développe armé du mic. Arapé les yeux fermés comme si je vivais face à Médusa. Ce soir je ferme les yeux, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec des paupières closes. Quand je les ferme, je sens léviter mes rêves. Je ne les rouvrirai que pour qu'un jour la vérité me les crève. Je les ferme, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec des paupières closes. Je ne compte pas me soumettre qu'aux chiffres. Leur fermer consciemment les yeux, c'est la meilleure manière de les garder le plus ouvert. J'rappe ce texte les yeux fermés, je pensais fanny ma rétine. Même au milieu du brasier, on peut s'évader, paraît-il. Des chalacs vieux, les flammes grimpent et m'arrachent la peau. Ma peine l'arrache la porte, mais je la vois n'achève la pauvre. Ah oui, l'air est pur, mais c'est dans la vase que je perds mes plumes. Comment remonter en surface quand ta condition te le permet plus? Avoue que tu la croyais cool. Mille commandeurs à une lame, entre la deuxième et la troisième côte, ta croisière coule. On noie nos cerveaux dans la tise, assiste à ce déclin. Un daron perd son fils et devant sa fille se déglingue. On se cache le peu de vie qui nous reste, tout en levant le coude. Demande à la belle italienne si la Grèce en vaut vraiment le coup. Elle déborde de courage, moi je m'assomme de pilon. De façon, je ne suis qu'un glaçon qu'on façonne depuis l'ombre. Fais les symptômes d'un homme qui subit, ma casquette les cache. Ta réaction est stupide ou sublime, mais qu'est-ce qu'elle me les casse? En vrai j'ai de la boue jusqu'aux genoux. Arrête, là où les moutons stagnent, je suis resté le même. Même si je démarre ma charrette au bouton start. Si je faisais le bilan, il serait triste gris comme cette prod d'Aro. On se plaint, on crie, qu'on trim, mais on est loin de ce qu'encaisse nos down. On plie, on chine au rime, un stylo bille, on mange de l'air. Dites-lui bien que vient de faire mon putain de nid sur la branche de l'aigle. Magnifique sera ma chute, messieurs. Mes sourires, mes frayeurs, si tout le long j'ai fermé les yeux, c'est pour me souvenir que des meilleurs. Je ferme les yeux, compte les coups, attends le jour de grâce. Autour de moi, le monde s'écroule, mais je ne les rouvre pas. Je ne compte pas me soumettre qu'aux chiffres. Fermer consciemment les yeux, c'est les garder le plus ouvert possible. Ne joue pas trop près. Est-ce que j'ai l'air d'hésiter quand je te dis que je pense à recoudre mes paupières? La quête donne sens. Je ne rouvrirai les yeux que pour que la vérité me les crève. Ou sinon bonne chance.